les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Paru en 1978 et dans sa traduction française en 1980, la pièce de Max Frisch, Triptyque, est en trois volets, comme son titre l'indique, une variation sur la mort qui, après une coupure de 10 ans, marquait le retour de l'écrivain à l'écriture pour le théâtre. En 1982, dans un long entretien qu'il accordait au journal Le Monde, à Michel Conta, qui voyait dans Triptyque, davantage que dans ses œuvres théâtrales antérieures, une pièce fondée sur l'expérience individuelle, sur le privé, Max Frisch répondait ainsi. Dans Triptyque, il s'agit aussi de quelque chose de tout à fait général, à savoir que nous vivons avec les morts. Avec ceux que nous avons connus, amis, parents, et aussi avec certains grands esprits. La pièce définit le mort comme celui qui ne peut plus changer d'idée. Ainsi, quelqu'un voit-il Lénine dans son mausolée à Moscou et dit « Un garçon si intelligent qui n'a plus fait une expérience depuis 50 ans. Voilà, nous vivons avec les morts, et les morts ne changent plus. Nous voulons leur être fidèles, et nous devons nous en séparer. C'est un conflit très général qui n'a rien à voir particulièrement avec moi. » En 1983, Roger Blin montait Triptyque au Théâtre de l'Odéon, un spectacle réalisé en coproduction avec la Comédie-Française, dans lequel figuraient notamment Christine Fersen, Geneviève Casil, Jacques Toja et Maurice Garrel. France Culture et la Comédie-Française vous invitent à écouter Triptyque de Max Frisch, texte français d'Henri Bergerot d'après la mise en scène de Roger Blin. Réalisation Georges Gravier. Cher Prol. Oui. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 1 an à Pâques. Il était d'humeur si gaie. Oui. Ce que nous avons ri. Oui. Je n'oublierai jamais ses plaisanteries. Oui. Sophie, il a eu une belle mort. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent mourir chez eux. Et 70 ans, c'est un bel âge, à mon avis. Oui. Nous sommes tous mortels. Oui. Vous êtes restée assise près de lui toute la nuit. Vous lui avez tenu la main, Sophie, jusqu'à la fin. Oui. Vous savez, je ne peux vraiment pas m'imaginer. Je le vois, assis dans son fauteuil. Je le vois. J'entends tout le temps ce que pense Matisse. Je comprends ça. Le monsieur qui a parlé au cimetière, qui est-ce? Franchement, j'ai trouvé ça plutôt gênant. Ilz, où est-ce qu'elle peut être? Ilz! Ah. Oh, quelle faim! Ça, je ne peux pas le nier, j'ai une faim de loup. Et pourtant, j'ai pris mon petit déjeuner il y a à peine 2 heures. Merci. Vous n'avez pas de serviette? Je n'avais encore jamais pris la parole devant une tombe. Je vais vous chercher une serviette. Non. Il y a à boire dans le jardin. Ce qui advient du corps quand il est dans la terre, personne n'a besoin de nous dire ça, je pense. Et surtout pas dans un cimetière. Moi aussi, j'ai des pieds sur terre. Je ne pense pas que les morts reviennent. Ce ne sont pas des enfants, à la fin. Pour entendre ça, ce que ce monsieur a dit, c'est pas pour ça qu'on vient à un enterrement. D'une manière ou d'une autre, l'homme a aussi une âme. Ah, oh, c'est toi, petit Benjamin. Mmh. Tu veux un jus de framboise? Vie. Vous permettez, madame? Oui, viens, nous allons ensemble à la cuisine. Nous allons faire un jus de framboise. Tu as une allumette? C'est pour ma pipe. Tu peux les garder. Merci. Je ne suis pas religieux, moi non plus. Mais quand un pasteur prend la parole, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce qu'on peut bien dire dans un cimetière? Au moins, ça n'est pas de mauvais goût. Finalement, il y a des usages. Il y a à boire dans le jardin. Où est Madame Prol? Je ne sais pas. Je voudrais prendre congé. Ça, monsieur le pasteur, c'est ce que nous voudrions tous. Il y a à boire dans le jardin. Mais vous l'avez connu personnellement? Non. Une vie après la mort, ça non, il n'y croyait pas. Je l'ai connu, moi, monsieur le pasteur. J'ai parlé dans son sens à lui. Et j'estimais beaucoup le vieux Prol. Tenez, un cendrier. Merci. C'est le seul que j'ai trouvé ici. Vous croyez à une vie après la mort? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne doute pas que l'éternité existe. Mais qu'est-ce que j'ai à en attendre? C'est l'éternité de ce qui a été. Ouais, madame Prol. Elle voulait aller chercher une serviette. Tu auras attendu ça si vite. 70 ans de nos jours, ça n'est pas un âge. Ou est-ce qu'il était déjà malade depuis longtemps? Je l'ignorais complètement. Lortinger, nous avons été amis, Mathis et moi. Ça, on peut le dire, nous avons fait de l'aviron dans la même équipe. Mon Dieu, c'est si loin. Monsieur le pasteur, vous voudrez bien m'excuser. Je sais seulement qu'il n'y a pas de conscience sans fondement biologique. Un simple traumatisme crânien suffit à me priver de conscience. Comment ma conscience pourrait-elle survivre après la destruction matérielle de mon cerveau? Si je me tire une balle dans la tête, par exemple. Je veux seulement dire ceci. Comme fait biologique, la mort est quelque chose de banal. Une simple confirmation des lois auxquelles toute créature est soumise. La mort comme mystification, c'est autre chose. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle soit dépourvue de contenu. Mais c'est une mystification. Même si l'idée d'une vie éternelle de la personne est indéfendable, la mystification consiste en ceci. Que la mort, en fin de compte, donne à notre vie sa vérité. Nous vivons définitivement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui compte, c'est ce que nous vivons. Je veux dire ceci, les événements isolés de notre vie, chacun à sa place, dans le temps, ne se modifient pas. C'est ça, leur éternité. Vous avez déjà perdu un être que vous aimiez comme aucun autre? Pourquoi me demandez-vous ça? Vous pensez si raisonnablement. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire aussi que celui-ci ne mourût point? Jésus donc, frémissant de nouveau intérieurement, se rendit au tombeau. C'était un caveau et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Et Marthe, la sœur du mort, lui répondit, « Seigneur, il sent déjà mauvais, car il est là depuis 4 jours. » Jésus lui dit alors, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Pour moi, je savais bien que tu m'écoutes toujours, mais à cause de la foule qui m'entoure, j'ai parlé pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, lié de bandelettes aux mains et aux pieds, et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Jésus vint toute porte close et il se tint au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous !» Puis il dit à Thomas, « Vois mes mains, et approche ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais croyant. » Thomas répondit et dit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit alors, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Où est Roger ? Madame Prol, je dois prendre congé. Je voulais lui apporter une serviette. La vérité est la vérité, même si votre défunt mari peut ne pas l'avoir reconnue. Il la reconnaîtra, Madame Prol, c'est pour moi une certitude. Je vous remercie, monsieur le pasteur. Une lumière viendra, différente de celle que nous avons déjà connue, et une naissance hors de la chair. Nous serons différents de ceux que nous étions après notre première naissance, parce que nous avons déjà été, et nous ne connaîtrons plus ni la douleur ni la crainte de la mort. Nous serons nés dans l'éternité. Vous trouverez très simplement, c'est la porte à droite dans le couloir. Je sais, tu ne voulais pas avoir de pasteur. Combien de fois je te l'ai entendu dire. Il n'a pas été possible de faire autrement. Ah, maintenant, les voilà tous au jardin. Tu as eu une belle mort, Matisse. Tout le monde le dit. Et à notre époque, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent mourir chez eux. Pense à ta pauvre sœur. Les 70 ans, c'est un âge biblique. Mathis, tu veux me faire peur? Je ne t'ai pas traité comme une baderne. Comment est-ce que tu as pu dire une chose pareille? Même le médecin l'a entendu. Et ensuite, tu le lui as encore dit au médecin. Ma femme me traite comme la dernière des badernes. Hélas. Mathis, où est-ce que tu regardes avec ces yeux fixes? Quand je dis « il n'a pas été possible de faire autrement », tu ne me crois pas? J'ai dit au jeune pasteur que tu t'étais retiré de l'église. Naturellement, je le lui ai dit. Pourquoi est-ce que tu ne me regardes pas, Mathis? Tu es effrayant. Hélas. Mathis. Mon Mathis. Il y a une semaine, aujourd'hui déjà, que tu as pris ta canne à pêche pour la dernière fois. Exactement une semaine. On trouve encore partout des chaussures à toi. Et alors je pense toujours, s'il se met à pleuvoir, tu vas rentrer à la maison. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être veuve. Franchement, j'étais contente d'entendre la cloche sonner, et tout le monde était content de l'entendre. Tes anciens compagnons de la guerre d'Espagne, il n'y en a pas un qui soit venu. Peut-être qu'ils ne sont plus en vie. Et qu'est-ce que je dois dire avec les gens? C'est toujours toi qui parlais. Et le jeune pasteur a dit aussi quelque chose de tout à fait juste, qu'ainsi la mort doit nous être une exhortation à nous rencontrer les uns et les autres dans l'amour, chaque jour. Et moi, je reste assise à côté de toi, Mathis, toute la nuit. Et tout à coup, tu dis que maintenant, tu voudrais rester seule. Enfin, c'est ce que tu as dit. Et le lendemain matin, quand je t'apporte le thé, tu es mort. Tu n'en as jamais fait qu'à ta tête. Tu n'as pas peur de la mort. Combien de fois tu l'as dit, ça? Mais tu n'as jamais pensé qu'à toi. Oh. Nous avons pensé qu'il viendrait au moins 100 personnes. Et ici, ça aurait été trop petit, tu sais. Heureusement qu'il ne pleut pas aujourd'hui. Femme Mathis, je te parle. Femme Mathis, qu'est-ce que je t'ai donc fait? Tu ne reconnais pas ta Sophie? Enfin, j'ai appelé le médecin, je t'ai soigné, Mathis, de jour et de nuit. Est-ce que je n'ai pas vécu 26 ans avec toi? On trouve encore partout des chaussures à toi. Et qu'est-ce que je vais faire de tes cristaux, qui n'ont pas tellement de valeur, en fait, et il y en a une armoire pleine. Mais je t'ai toujours cru, Mathis. Tu ne me supportais pas autrement, sinon tu reprenais ta canne à pêche. J'ai toujours cru que tu avais tout mis en ordre et rien n'est en ordre. Tout se rappelle tes plaisanteries. Et tu me laisses toute seule, comme ça, hélas. Mathis. Et tout ce que j'ai toléré uniquement pour que tu reviennes à la maison, et maintenant tu veux me faire peur. Mais tu ne m'aimes pas, Mathis. Tu as dû mourir. Est-ce que j'y peux quelque chose, moi? Mathis, tu parais plus jeune, Mathis. Et malgré ça, je te reconnais, Mathis. Je t'ai connu quand tu étais plus jeune, Mathis. Et maintenant, tu regardes droit devant toi comme si tu ne me connaissais pas. Mais qu'est-ce que je t'ai donc fait? Moi aussi, je mourrai un jour. Nous sommes tous mortels. Au reste, les paroles prononcées sur ta tombe allaient aussi dans ton sens. Roger a cru bien faire. Mais je crois que ses propos ont gêné la plupart. Dans ton testament, il n'y a pas un seul mot d'amour, est-ce que tu le sais? Pas un seul mot d'amour. Alors pourquoi est-ce que j'ai été ta femme? Tu voudrais être seule, ça, c'est ton dernier mot. Ce que c'est que d'être veuve, ça ne te soucie pas. Tu as toujours parlé de ta mère, elle s'était épanouie, elle carrément épanouie. Mais ta mère, quand elle s'est retrouvée veuve, elle avait 20 ans de moins que moi. Mathis, je ne me plains pas. Tu as toujours cru que je me plaignais. Et ensuite, te voilà assis dans ton fauteuil et tu n'ouvres plus la bouche. Oh, je n'ai pas eu la vie facile, Dieu sait. Quelqu'un a appelé un taxi? Qu'est-ce que tu as à me fixer comme ça? Qui a appelé un taxi? Quelqu'un a demandé un taxi? Il y a quelqu'un qui a demandé un taxi? Quelqu'un a demandé un taxi? Mais qu'est-ce que j'ai donc encore dit pour que tu ricanes, Mathis? Tu ricanes! Je ne t'ai pas traité comme une baderne. Ton mannequin peut-être t'a traité comme une baderne. Fixe-moi si tu veux. J'ai défendu qu'elle vienne ici. Je dois peut-être présenter mes condoléances à cette personne. Je ne peux pas empêcher qu'elle rôde là-bas, au cimetière, avec une malheureuse rose à la main. Tous ont pitié de moi, toi seul, excepté. Tu veux me punir parce que je vis. Et comment peux-tu dire une chose pareille après 26 ans que je te suis antipathique? C'est ce que tu as dit, intellectuellement antipathique. Sophie. Vous voulez déjà partir? Mon taxi est là. Chère Sophie. Vous devez prendre votre train. Malheureusement. Oh, je comprends, mais vous savez, ça lui aurait fait tellement plaisir que vous soyez venue. Enfin, oui. Je le sais, ça lui aurait fait tellement plaisir. Soyez courageuse. Mathis, il faut que je rejoigne mes invités. Et finalement, c'est à cause de moi qu'ils sont venus. Et je n'ai même pas encore remercié pour les couronnes. Il faut que tu comprennes ça, Mathis. On ne va pas sur le champ ouvrir les tiroirs d'un mort. Tu l'avais dit aussi, c'est vrai. Mais tout ce qu'on est obligé de faire dans des journées comme celle-là, et aux pompes funèbres, ils veulent savoir tout de suite, incinération ou enterrement. Ils m'a déchargé de beaucoup de choses, mais ils ne pouvaient pas savoir. Pourquoi ne parlais-tu jamais avec ta fille? C'est hier soir que j'ai trouvé ton papier. Il n'était plus possible de changer. Mathis, tu dois le comprendre. Eux aussi, ils ont des dispositions à prendre. Où est-ce que tu regardes avec ces yeux fixes? Et tu sais, Mathis, tu as toujours décidé. Mais il y a une chose que tu ne m'interdiras pas. Je crois que nous nous reverrons. Vous voulez tous partir déjà? C'est en automne que les élections auront lieu. Qu'est-ce que tu espères des élections? Ce sont les banques qui ont le pouvoir. Ça, je le sais aussi. Non, mais vous espérez quoi des élections? C'est une question d'information. Si le peuple sait une fois ce qui se passe, ces messieurs sont balancés. Non, notre devoir, je le dis toujours, c'est d'éclairer le peuple. Et la grande presse? Elle est aux mains de qui? Walter, tu seras toujours un naïf. Pourquoi voulez-vous déjà partir? Sophie. Madame Prol, c'est mon avis aussi. Pourquoi se voit-on si rarement? Il ne faut tout de même pas que ce soit toujours pour un enterrement. Sophie. Où est ton mari? Il t'écrira. Il regrette tellement. Mais ils ont aujourd'hui leur comité d'entreprise et tu sais, là, chaque voix a son importance. Benjamin, tu donnes aussi la main? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Au revoir, Sophie. Au revoir. Regardez-moi. 2 kilos en une semaine. Ah, vous pouvez manger autant que vous voulez, pourvu qu'il n'y ait pas d'hydrate de carbone. De la viande, autant que vous voulez. Même du lard, pourvu qu'il n'y ait pas de pommes de terre, pas de pain, pas de pâtes alimentaires. Et nager ne sert absolument à rien. Enfin, c'est dans le lard qu'il y a le plus de calories. Mais ça n'est pas une question de calories. Nous te l'avons déjà dit, Sophie. En été, tu viendras chez nous. Nous n'allons plus à la mer. Ou bien il n'y a pas de plage et on s'écorche contre les rochers et ça grouille d'oursins. Ou bien c'est le sable qui grouille de gens. Aujourd'hui, ça n'est plus du repos. Je vous ai parlé de mon intoxication de poisson. Non. Encore ça, par-dessus le marché. Des scampis. Et d'où est-ce qu'ils viennent? Du Canada. Ils traînent 3 semaines à Madrid parce qu'ils sont trop chers. Et quand enfin ils sont à Rome, à ce moment-là, ils puent déjà. On ne peut plus les vendre que le long de la côte où nous croyons, nous, qu'on vient de les tirer de la mer. 13 touristes en sont morts. Nous te l'avons dit, Sophie. En été, nous sommes en montagne. Le chalet est petit, mais là, tu pourras te promener, Sophie, sans rencontrer âme qui vive. Tu nous appelles. Votre sœur est vraiment maîtresse d'elle-même. Mais non, je ne pense ni à Swedenborg, ni aux gens de cette espèce qui s'autorisent de leurs hallucinations. Je pense simplement ceci. Ce n'est pas si simple. Pas de conscience sans fondement biologique, d'où le savez-vous? Une âme sans un corps, même Platon ne fournit aucune preuve à ce sujet, c'est exact. Ouais, Madame Prol. Oh. Et malgré ça, Platon tient une telle existence pour vraisemblable? De même qu'Ernst Bloch, d'ailleurs, aussi. Il n'y a pas que la petite logique, en effet. Il y en a aussi une grande. Chère Madame Prol. Lord Singer. Nous avons été amis, Mathis et moi. Nous avons fait de l'aviron dans la même équipe. Mon Dieu, c'est si loin. Et puis on vit dans la même ville, sans se revoir, Madame Prol. Merci pour la grande couronne. Je suis encore bouleversé. Monsieur le directeur, je vous accompagne. Vous me tenez mon sac? Il faut que je vous redemande votre nom. Francine. Si vous voulez aller en ville, je vous y conduirai volontiers. Il faut que j'aille en ville, moi aussi. Et quel est le sujet de votre thèse? Mathis. Mathis. Où es-tu? Je pêche. Mais je le vois. Pourquoi le demander, alors? Autrefois, il y avait des boulots, ici. Ici, oui. C'est ici que j'étais assise une fois. Il n'arrive rien qui ne soit déjà arrivé, et j'entre dans ma 30e année, il n'arrivera plus rien. C'est dans ce fauteuil que je me suis balancée. Il n'arrive rien dont j'ai déjà fait l'expérience et je reste dans ma 30e année. Ce que je pense, je l'ai déjà pensé. Ce que j'entends, je l'ai entendu. C'est avril à nouveau. Autrefois, il y avait des boulots ici. Et ça, c'était encore un vrai ruisseau. Pas un canal de mon temps. Un ruisseau avec des pierres dedans. Mais il y a longtemps de ça. Oh. En ce temps-là, il y avait des truites ici. Je sais. Un ruisseau avec des pierres dedans, c'est juste. Et des algues sur les pierres, si bien qu'on glissait quand on voulait traverser nu-pied sur les pierres. Et après, les taches vertes sur la culotte. Oh, mais vous ne prenez rien du tout. Mais il n'est pas possible que vous vous souveniez des boulots. Quand est-ce que l'usine de carrosserie a été construite? C'est à ce moment-là que les boulots ont disparu. Je le sais. Mais quel âge avez-vous? 41 ans. En ce temps-là, j'allais encore à l'école. Et nous prenions les truites à la main. Sans permis. C'était interdit. Il n'y avait que mon père qui avait le droit de les prendre. En ce temps-là, c'était encore un vrai ruisseau. Vous auriez dû ferrer plus tôt. Ils disaient tous, il n'y a pas de pantalon neuf, pas de chaussures neuves, il n'y a pas de viande. C'est la crise. De la saucisse, il n'y en avait que pour le père. Mais c'était longtemps avant la guerre, quand les boulots ont été abattus, vous avez 41 ans, il est impossible que vous vous souveniez des boulots et du vrai ruisseau. Comme les oiseaux gazouillent ici. Comme dans un cimetière. Quand j'étais petite, je devais tous les jours traverser un cimetière. C'était le chemin le plus court pour aller à l'école. Et il y avait là, au milieu des troènes, une espèce de buste en bronze, noir, un monsieur avec une barbe en pointe. Ça n'était pas Lénine, c'était un botaniste. Plus tard, je n'ai plus eu peur de ce bronze. Il fait seulement semblant de me regarder. J'ai touché du doigt ses deux yeux, il fait seulement semblant. J'ai remarqué une chose. Il n'a pas la moindre curiosité de la manière dont on vit aujourd'hui. Puis-je vous demander quelque chose? Un jour, on a taillé les troènes pour que le buste en bronze noir ne disparaisse pas sous les branches et pour qu'on puisse lire les années sur le socle, 1875-1917. Un homme dans la force de l'âge. J'avais l'impression qu'il ne souhaitait pas du tout revenir à la vie. Et même si les oiseaux gazouillent à cet endroit. Pourquoi avez-vous attenté à vos jours? Je ne suis plus curieuse. Vous avez dit quelque chose? Hein? Non. Moi non plus. Et pourquoi est-ce que vous pêchez ici, précisément? C'est ici que j'ai grandi. Et que je suis allé à l'école. C'est ici qu'il y avait des truites, ça vous le dites vous-même. Ici que nous avons joué aux Indiens. Ici que je suis allé en prison, plus tard, une fois. Les Juifs. Ça, mon père le disait toujours, ce sont eux qui ont acheté toute la contrée, qui d'autre a les moyens quand la crise est là, et ce sont eux qui ont saccagé notre paysage, les Juifs. Et c'est bel et bien le cas. Tu entends, Xavier? Tu entends? Même notre voisin est ici, c'est atroce. Les morts n'apprennent rien de plus. Monsieur Prol? Je pêche. Je suis assise dans votre fauteuil blanc. C'est le mois d'avril. Je suis venue recevoir de vous un conseil. Vous voudriez ne pas me revoir, Prol? Vous vous appelez Prol? Oui. Moi aussi. Vous vous appelez Prol aussi? Je comprends. Tu ne peux pas me reconnaître. Tu ne m'as jamais vu vieux. Je suis devenu plus vieux que toi, père. Tu es Matisse. La vue baisse. Mais comment se fait-il que tu sois allé en prison? Atteinte au moral des troupes. C'est-à-dire? 6 mois de forteresse, plus exactement, pour être allé en Espagne à cette époque-là. Mais pourquoi en Espagne? Pour empêcher le fascisme à cette époque-là. Mais tu n'as plus rien vu de tout cela, père. T'aurais dû ferrer plus tôt. Tu crois? C'est sûr. Faire toujours trop tard. Je l'ai toujours dit, ou trop tôt. Tu penses toujours à autre chose. Ou bien tu fixes mal l'appât, on peut te montrer 100 fois de suite. Donne ça. Ta mère a vécu jusqu'à quel âge? Tu l'as laissée dans les dettes. Tu le sais. Elle a dû travailler dans un grand magasin de nuit comme femme de ménage. Elle était plus capable que tu ne pensais. Et plus tard, elle a eu un kiosque. Et tous les ans, elle faisait un voyage. De ces voyages organisés, des voyages en car, au Tyrol, par exemple, ou à Venise. C'est après ta mort qu'elle s'est vraiment épanouie. Elle le disait elle-même. Elle disait, « La vie m'apporte davantage depuis que je suis veuve. » Tu pêches avec quoi? Des vers. Regarde un peu ici. Oui, père. Voilà comment on fait. Oui, père. Et encore une fois autour. Mais ça n'est pas ma canne à pêche. Si, père. Et là, plus bas, en descendant le long du canal, il y a 11 travailleurs émigrés qui sont assis. Ils comprennent que le turc. Et le patron, qui a tellement économisé sur l'échafaudage que celui-ci s'est effondré, le patron est assis plus haut. Mais lui, le turc, il le comprend pas. Que voulez-vous dire par là? Monsieur le pasteur, il n'y a pas de jugement. Il était parti comme ça quand ta mère était toute seule? Parti pour l'Espagne. Oui, père. À pied pour passer la frontière, ensuite le train jusqu'à Lyon. Où j'avais une adresse qui n'était pas la bonne. Je montrais mon papier, une rue qui portait ce nom-là, il n'y en avait pas. Mais le chauffeur de taxi était au courant, c'était évident, il m'a conduit pour rien à travers toute la ville. On nous donnait quelque chose à manger, 30 francs français, et un billet de chemin de fer pour Marseille, où j'ai vu la mer pour la première fois. La police de Marseille avait l'ordre à l'époque d'arrêter les gens de notre espèce. Nous étions obligés de traîner sur le port jusqu'à ce qu'un agent isolé nous donne lui-même le signal d'embarquer. C'était un cargo. Un cargo français. Le lendemain matin, nous débarquions à Valencia. Deux semaines après, nous montions au front. Tu entends, Catherine, ce que je te dis? J'ai entendu. Je te parle, Catherine. Je les connais, tes exposés. Je ne trouve pas que c'est une ânerie ce que je t'ai dit à propos du langage. Je ne suis pas linguiste, mais nous le savons l'un comme l'autre. Le langage que tu utilises est un langage d'homme. Pour quelle raison cites-tu chaque fois Sigmund Freud? Parce que votre langage n'existe pas encore. Le langage de la femme. Quand je lis ce que les femmes écrivent aujourd'hui, je comprends, mot pour mot. Et cela signifie que la femme, quand elle veut s'exprimer, est obligée de penser comme l'homme. Pas une phrase sans un verbe d'action. Tu écoutes. J'aimerais entendre une fois ce que tu penses, Catherine. Toi, Catherine, en tant que femme. Et non pas ce que Sigmund Freud ou tout autre maître de la création a bien voulu vous faire dire. Xavier, nous sommes morts. 10 jours, je t'ai attendu. J'ai entendu ce que tu as dit. Nous pouvons te dire encore une fois, et ça ne changera rien, Xavier, on l'apprend lentement. Tu as dit que mon intelligence était une pointure en dessous. Et tu as raison, peut-être. Nous nous sommes jetés des injures à la tête. Nous nous sommes réconciliés pour tout recommencer, encore une fois, par le début. Nous nous sommes embrassés. Nous avons fait la cuisine ensemble. Nous avons habité ensemble, nous sommes partis ensemble à la mer. Est-ce que nous ne nous sommes pas réconciliés? Oui, Xavier, continuellement. Malgré cela, tu es parti. Pourquoi ne dis-tu rien? J'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Que nous ne faisons que nous répéter. Nous sommes morts, Xavier. Comment s'appelle ce ruisseau? Ruisseau? Vous en avez de bonnes. Ben, c'était un ruisseau avant la construction de l'usine de carrosserie. Regardez un peu dans cette eau de montant. On voyait dans l'eau si le ciel avait des nuages ou non le moment de la journée. Ce que vous voyez, si l'eau coule seulement, moi pas. Je voudrais vous demander quelque chose. Je montre à mon fils comment on pêche, mais le voilà reparti. Je lui ai montré 100 fois. Il n'apprendra jamais. C'était votre fils ? Je suis mécanicien qualifié. Quand on se trouve au chômage, qu'est-ce qu'on peut y changer ? Alors je me suis mis dans les dettes pour prendre à bail la petite station au service. Shell ? Comment le savez-vous ? C'est écrit dans votre dos. Comment êtes-vous mort ? Demandez à mon fils. Mais pourquoi ne me demande-t-il pas ? Moi, je suis mort complètement bourré. Mort de froid, vraisemblablement, et complètement bourré. Parce que j'ai su ce qui nous attend. Je l'ai su. Oui, mademoiselle Chimansky, c'est comme ça que vous étiez assise. Exactement comme ça, dans mon rocking chair. Et de temps en temps, tu t'es balancée. Vous êtes bien ici, monsieur Prol. Tu es venu pour recevoir un conseil d'un vieil homme alors que nous ne nous connaissions pas du tout. Nous nous voyons pour la première fois. Pour la seconde fois. Une fois, c'est ce que tu as dit. Tu es venu dans ma librairie d'occasion, mais cette fois-là, je ne t'avais pas remarqué. Il entre beaucoup de jeunes dans une librairie d'occasion. Vous avez été chercher du vin et 2 verres. Oui. Vous m'avez demandé comment je vis, comment je gagne ma vie. Et je vous ai laissé deviner. Pourquoi n'as-tu pas voulu le dire ? Vous n'avez pas deviné ? Non. Ça m'a fait plaisir. Non, je n'avais pas de conseils à donner, Catherine. Je n'ai jamais vu ce jeune homme. Moi, je me suis contenté d'écouter. Un dentiste qui veut t'épouser, un universitaire, c'est ce que tu as dit, que tu n'aimes pas du tout, mais un brave type et qui sait bien que si tu l'épouses, c'est seulement pour ne pas rester mannequin. Ça, je l'ai compris. Un brave type qui ne veut pas faire de toi une femme d'intérieur. Il comprend que tu veuilles faire des études. Pourquoi regardez-vous mes pieds ? Parce que tu as retiré tes chaussures. Peut-être que je suis restée trop longtemps. Alors, je me suis demandé quel conseil il est possible de donner dans notre société à une jeune fille qui ne veut pas être mannequin et tu as parlé des études que tu voulais faire. Sociologie, psychologie... Oui, Catherine Chimansky, c'est l'image que tu m'as laissée. Je ne tends plus ma casquette, les morts ne mendient pas. Ils ne jurent même pas. Ils ne pissent pas, les morts. Ils ne saoulent ni ne bouffent. Ils ne se tabassent pas, les morts. Ils ne baissent pas. Ils déambulent dans l'éternité du passé tout en ressuçant leurs histoires stupides jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à sucer. La mort est successive. Diderot. Vous, je vous ai une fois rencontré l'homme. Nous sommes tombés l'un sur l'autre par hasard. Ou pour dire la vérité, c'est vous qui m'êtes tombé dessus. Une fois sur le cul, une fois sur la tête. Ah oui, mais ce jour-là, vous aviez un uniforme, c'est exact ? Un uniforme bleu, avec un ceinturon blanc. Ouais. Et cette flûte que vous avez là à la main, à ce moment-là, c'était une matraque de caoutchouc. Vous ne m'avez pas donné de conseils ? Non. Pourquoi non ? Je savais que tu ne suivrais pas mon conseil. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais écrit non plus. Monsieur Prol, mais vous m'avez écrit. Et quoi donc ? Classe ! Et qu'est-ce que tu fais donc ? Rien. Rien. Je pensais que tu les avais lus. Mais je ne dis rien. Oh, toi, avec ta manie de l'ordre, tu n'as rien d'autre à faire quand tu es à la maison que de vérifier si mes flacons et mes tubes traînent encore ouverts dans la salle de bain. Et de passer la revue de toute la maison pour fermer les portes des placards ! Catherine ! J'aurais bien fini par ranger. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne crie pas, Catherine. Je te tape sur les nerfs. Pas toi. Les cheveux dans les WC, c'est tout. Je sais. Tu ne tires pas la chasse d'eau pour autant ? Je l'ai tirée. Tirée ? C'est faux. Voilà tout. Voilà tes clés de voiture. Et puis quoi encore ? C'était pas un reproche, Catherine. Nous vivons ensemble, Catherine, et nous sommes heureux. Ce ne sont que des riens qui me rendent morose. Il dit qu'il est heureux. Je n'en peux plus. Elle dit qu'elle n'en peut plus. Voilà à quoi nous avons passé notre temps. Je ne me souviens vraiment pas de t'avoir écrit après ton mariage. Qu'est-ce que j'ai bien pu t'écrire ? Vous m'avez donné du courage. Du courage, comme ça, simplement. Je ne me souviens plus très bien les termes. J'ai trouvé que c'était une lettre triste, d'abord. Mais ensuite, elle m'a donné du courage. Je n'avais pas le droit de me vendre. C'est du moins comme ça que je l'ai comprise. Je devais vivre avec un homme que j'aime, et puis voilà. C'était une longue lettre, Monsieur Prol. Une lettre paternelle. Voilà encore le mois d'avril. Ici, oui. Ici, c'est bien, grand-mère. Et de quoi avons-nous parlé, cette fois ? De ça non plus, vous ne vous rappelez pas. Est-ce que j'ai encore parlé de l'Espagne ? Tu as divorcé, c'est le mois d'avril encore une fois. Tu as un ami, à ce qu'on me dit, il est étudiant et vous habitez ensemble. Oui. Et pourquoi es-tu revenu ? Vous avez parlé de l'Espagne. Comment est-ce, Monsieur Prol, quand on est vieux ? Est-ce qu'on voudrait tout revivre encore une fois et toujours tout recommencer ? Comment êtes-vous mort ? Tragiquement. Pourquoi riez-vous ? La neige fraîche toute la nuit. La neige fraîche sur une couche de glace. Et ensuite le feu. Je ne sais pas, monsieur le pasteur, si vous connaissez la montagne. Non. Dès la matinée, nous avons entendu des avalanches. Nous sommes bien doutés que ce versant abrupt ne tiendrait pas. J'ai ri quand ça a craqué tout à coup. Boum ! Pas un bruit fort, non. Sourd seulement. Boum ! Comme si toute la montagne se séparait en deux. D'abord la plaque de neige, comme on pouvait le craindre, la neige jusqu'aux hanches. On est debout, comme emmuré, sans pouvoir faire un pas, comme en rêve. Et ensuite seulement la véritable avalanche. Vous êtes mort pour la patrie. Étouffé. Les 9 autres ont été vraisemblablement étouffés, aussi toute la patrouille. C'est vous qui avez assuré la cérémonie ? Non. Les gens du pays qui connaissent le versant, naturellement, nous ont prévenus. Et je l'ai dit à notre capitaine jusqu'à ce qu'il gueule. Mais vous n'êtes bon qu'à chier dans vos frocs. Chier dans vos frocs. Il a exigé que nous traversions le versant. Sans lui. But de l'opération, exercice d'obéissance. Pourquoi les gens ne vivent-ils pas ? Alas pour Yorick ! I knew him, Horatio ! Il m'a porté sur son dos 1000 fois. Et à présent, quel frisson d'horreur mon imagination éprouve à sa vue. Mon cœur se soulève. Ici s'en trouveraient ces lèvres que j'ai baisées je ne sais combien de fois. Où sont tes facéties à présent, tes cabrioles, tes chansons? Et on m'écoutait. J'avais le rôle de ma vie et 27 rappels tous les soirs. Un beau matin, quand je me suis réveillé, j'étais allongé sur un banc public. Les gens n'applaudissaient pas, ils passaient, c'est tout. J'avais plus à saluer à la fin des représentations, j'avais plus à aller aux répétitions. J'avais plus qu'à aller pisser, c'est tout. Et ça n'était pas peu, sinon je serais resté couché déjà en ce temps-là. Et vous écoutez, monsieur le pasteur ? Je raconte la façon dont je suis mort. Ça a duré 30 ans. On meurt pas brusquement. Est-ce que vous avez vécu ? J'ai lu à cette époque-là le rapport des autorités aéronautiques. Votre dernier entretien avec la tour de contrôle, d'après la bande magnétique, tout en anglais, naturellement. We have trouble with the cabin compression. C'était 11 minutes après le décollage. Peu de temps après, we have fire on board. Request an immediate landing. Our navigation is not okay, etc. Vous receviez les instructions. Turn right until I say stop. You are at a very low speed. Could you increase speed or heading east? Please, increase speed if possible. Tout ça, vous l'avez compris. All understood. Peu de temps après, goodbye everybody. Ça, vous l'avez dit 16 secondes avant de percuter le sol. Goodbye everybody. La tour de contrôle répétait ses instructions. Peut-être puis-je vous montrer sur la carte où vous vous trouviez finalement. Oui, pourquoi je vous raconte ça? Autrefois, il y avait des boulots ici. Et ça, c'était encore un vrai ruisseau. L'usine de carrosserie a tout saccagé, tout le pays était acheté par eux. Bon, moi, je suis né ici, mais les Juifs, ils sont pas nés ici. Autrefois, il y avait des truites ici. Je me suis pas pendu dans ma cellule. Il arrive que ça vous trotte dans la tête, mais pour le faire, non. Non, je ne l'ai pas fait. Quand on a une bonne conduite, on bénéficie d'une remise de peine au bout de 10 ans, c'est l'usage. Et je me suis bien conduit, c'est dans mon dossier. 3 ans à travailler au dehors dans le marais et 6 ans à la Syrie, jusqu'à mon accident. Ils ont dit que j'étais un simulateur parce que c'était samedi et que le docteur voulait aller faire de la voile. Et on m'a fait une piqûre. Dans 1 an, aujourd'hui, j'aurais eu ma remise de peine. Ils disent que pendant ces 9 années, je me suis amendé, et c'est la vérité. Plus jamais je ne referai ça, j'en suis sûr, absolument sûr. Dans 1 an, j'aurais eu ma remise de peine. Mais pourquoi est-ce que cette personne rit? Oui, monsieur Prol, oui. T'es d'accord? Oui, monsieur Prol, appeler, c'est la solution. Alors, ici, Prol. J'appelle P-A-O-R-R. J'ai mon passeport. C'est ça. Non, mademoiselle, pas de charter. Pour l'amour du ciel. Nous voudrions partir en ballon. Elle me passe le service. Quelle taille doit-il avoir? Je demanderai ce qu'ils ont. Et quelle couleur? Oui, mademoiselle, nous voudrions un ballon. Pardon? Une nacelle pour 2 personnes. Ça, je le sais, mademoiselle. L'itinéraire d'un ballon est imprévisible. Pardon? Mais bien entendu, mademoiselle, équipé de sacs de sable afin de pouvoir s'élever à nouveau s'il se trouvait au-dessus d'un marécage ou d'une ligne à haute tension. J'ai lu ça, mademoiselle. Quand on veut atterrir, il faut tirer sur la corde, par exemple, si la dame en a assez. Il faut qu'elle demande combien de sacs de sable sont prévus. Ça suffira, mademoiselle, je crois que ça suffira. 1 douzaine par personne. Comment dites-vous? La facture est adressée au magasin, comme d'habitude. Librairie d'occasion Prol, Frankengasse 21. Non, ça n'a aucune espèce d'importance, mademoiselle. L'essentiel, c'est que ce soit un ballon. Gris-argent. Blanc. En avez-vous un blanc? Blanc comme la neige. Blanc comme la neige. Gonflé à l'hélium ou avec ce qu'on utilise de nos jours? Elle doit demander. Et où allons-nous? Ça, c'est imprévisible, dit-elle, c'est au gré des vents. En tout cas, nous n'aurons pas à nous préoccuper de la circulation des jours de Pâques. Naturellement, il peut arriver que nous soyons immobilisés des journées entières au-dessus de la Roure, si bien que nous soyons asphyxiés, ou au-dessus des jardins du Vatican. Alors, la garde suisse s'énervera. Et qui a le droit de tirer sur la corde? Égalité des droits, Catherine, égalité des droits. C'est convenu comme ça? Ça va de soi, tu as 12 sacs, j'ai 12 sacs, un coup de couteau, et voilà qu'on vogue à nouveau. Et chacun sa corde, c'est évident. Et si moi, j'ai regagné le sol, pour raison d'âge, par exemple, il remonte au ciel, le ballon blanc, Catherine Chimansky, repart, et vogue à nouveau. Prol, je vous aime. Et après, qu'est-ce qui arrivait? Je voulais aller à la gare. Vous ne vouliez pas me croire. Je voulais vraiment disparaître. Et sans ballon. Tu as dit encore autre chose? Prol, je vous aime. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Je sais. Je vous ai donné le bras et je vous ai dit, petit père. Et nous avons fait une promenade. Beaucoup de choses sont restées à l'état d'énigme. 2000 lambeaux de chair humaine, pas un de plus d'un kilo, ont pu être recueillis mais pas identifiés. Oui, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Mais qui cherchez-vous? Autrefois, il y avait des bouleaux ici. Et ça, c'était encore un vrai ruisseau de mon temps. Un ruisseau avec des pierres dedans et des algues sur les pierres, si bien qu'on glissait quand on traversait nu-pieds sur les pierres. Ça, vous l'avez dit. Et là-bas, il y avait l'usine de carrosserie. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? L'usine de carrosserie, l'espoir de mon père, qui était incorrigible. Il était pompiste et chaque fois qu'on lui donnait un pourboire, il tenait la portière de la voiture et il était satisfait de l'ordre du monde, les juifs mis à part. C'est lui là-bas qui était mon père. L'homme de la chaîne? Et elle, c'est ma mère. Tu es Anna? Oui, Stéphane, oui. T'es devenue vieille? 87 ans. J'ai toujours pensé que tu étais maladive, Anna, que tu ne t'en sortirais pas. C'était la période difficile. Ainsi, j'ai laissé des dettes derrière moi. Oui, Stéphane, oui. Mais combien? Oublie ça. Mais le gamin n'a pas oublié, lui. Parce qu'il ne t'aime pas. Et depuis que tu es mort, de moins en moins. Parce que tu lui as toujours répété, c'est comme ça qu'on fait, regardons un peu. C'est comme ça qu'on fait. Et voilà le remerciement. Ma foi, beaucoup de choses ont changé, tu sais, dans les mentalités. Voilà soudain qu'ils trouvent que l'éducation qu'on leur a donnée n'était pas la bonne. Oui, Stéphane, c'est comme ça. Je me disais, si un jour l'usine de carrosserie s'installe, puis s'est installée l'usine de carrosserie, mais ils ne m'ont pas employé. Bien que je sois né ici, que je sois mécanicien qualifié, ça tu le sais. Alors j'avais pensé une petite station-service. Je sais. Je me serais tiré d'affaire. Oui, Stéphane. Même avec oui. Les intérêts. Stéphane, tu es mort trop tôt, avant la construction de l'autoroute. Et ça n'est qu'après la guerre, Stéphane, que tout s'est mis à prospérer. Je comprends rien, tout ça. On pouvait croire, tout à coup, que ça valait la peine de faire une guerre. Ainsi, tu es ma veuve. Oui, Stéphane. Oui. Tu es plus belle qu'avant, Anna. C'est Carlos. Il a 19 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Je lui ai survécu 30 ans. Pendant les premières semaines, nous n'avions que ces vieux fusils anglais, un modèle de la guerre de 14. Parfois, nos munitions n'allaient pas dedans. Il était journalier. C'est moi qui lui ai appris à écrire et à compter. Ça, vous l'avez dit? Après, c'est devenu mon fusil. Quelqu'un vous fait signe là-bas? Il voudrait vous parler, on dirait. Allons. Ça grouille de monde ici. C'est Pâques. Nous sommes à Londres. Catherine! Au British Museum, tu caresses un sphinx en basalte. Nous regardons des momies. Nous vivons, Catherine, et c'est Pâques. Ce n'est pas vrai, Catherine, que je ne fais que me mettre en colère. Catherine! Catherine, c'est tout ce dont tu te souviens. Je sais, monsieur le pasteur, on aime un être tel qu'il est ou on ne l'aime pas. Les tubes et les boîtes qu'elle laisse toujours ouverts, les journaux par terre, les cheveux dans les WC, je sais, ce sont des bagatelles. J'en ai plus parlé, d'ailleurs. Si ce désordre me rend morose, qu'est-ce que Catherine peut y changer? Catherine est différente. Monsieur le pasteur, j'ai fait des efforts. Elle a tout de même demandé le divorce. Puis-je vous demander quelque chose? À Londres! Nous avons été heureux, monsieur le pasteur. Un si bon hôtel, si accueillant, elle chantait dans son bain. Nous avons vu beaucoup de choses. Le bateau de Scott qui est mort de froid au pôle sud. Catherine ! Comment êtes-vous mort ? On ne meurt pas brusquement. Je bouffais trop, c'est pour ça qu'il devenait si lourd le cadavre en moi. Et quand je jeûnais, il maigrissait, mais je savais déjà que je m'en débarrasserais jamais du cadavre en moi. Je l'emmenais dans les réunions où on palabrait, où on avait des idées. Et on m'écoutait, bien que mon cadavre, mes idées, l'ennuyaient. Il puait pas encore. Et j'avais des cheveux, et tout ce qu'un homme doit avoir. Et les femmes étaient amoureuses de ma mélancolie. Un matin, quand il s'est réveillé sur un banc public, le cadavre en moi, l'armée du salut m'a ramené à la raison. Et pour avoir un peu de soupe chaude, j'ai chanté... Alléluia ! Alléluia ! Oui, oui, Stéphane, oui, oui. Même péché, il n'en est pas capable. C'est ce que tu as toujours dit, il ne fera rien de bon. Tu t'es toujours énervé au sujet du gamin. Mais toi, tu l'as toujours pris sous ta protection. Et il a tout de même un diplôme. Typographe. Oui, oui, Stéphane, tu penses toujours qu'il n'y a que toi qui a travaillé pour le nourrir. Qu'il n'y a que toi qui étais au chômage. Je n'allais pas aux manifestations, moi. Malgré ça, tu étais au chômage. Parce que j'ai chanté l'Internationale. Non. Et de quoi est-ce qu'il vivait ? Plus tard, il a monté une petite imprimerie avec des camarades. Ça marchait pas mal. Dame, c'était son métier. Mais ensuite, leur imprimerie a été fermée vu le genre de brochures qu'ils imprimaient. Et à ce moment-là, Tiss me méprisait. J'ai pleuré. Il m'apportait son linge à laver, je lui faisais sa cuisine, il faut manger tout de même. Et sa façon de manger, sans un mot, parce qu'il me méprisait. Mais quand il faut vivre du revenu d'un kiosque, on est bien obligé de vendre ce que les gens réclament. Même péché, il n'en est pas capable. Oui, et après la guerre, il a eu une librairie d'occasion. Et à ce moment-là, ses affaires ne marchaient pas mal. Il avait des livres qu'on ne trouve pas du tout dans les vraies librairies. Tu sais ce que c'est une librairie d'occasion ? Mademoiselle. Qui cherchez-vous ? Je cherche un vase. Si vous pouvez patienter un moment. Un grand, s'il vous plaît. Ilse, pourquoi ne parles-tu pas à ton père ? Il se passe bien de moi. C'est toi qui le dis. Il n'écoute même pas. Il a tout de même fait des randonnées avec toi. Souvent. J'ai vu ça dans son album. Tu avais encore des nattes, Ilse. Et ton père te protégeait avec son anorak. Oh oui. Parce qu'il faisait froid. Et il faisait un feu entre les rochers pour que vous n'ayez pas froid. Oh oui. Alors, il t'écoutait. Oh oui. Quand j'étais petite. Tout ça, tu l'as oublié. Non, grand-mère. Et la bicyclette, ça, je le sais, parce que comme il n'avait pas d'argent, ton père... Une fois de plus, c'est moi qui l'ai venu taper. Tu voulais une bicyclette, Ilse. Et tu l'as eue. Oh oui. Est-ce que tu n'es pas injuste ? Je lui ai écrit quand je me suis fiancée et il m'a répondu sur une carte postale. C'est ce que tu m'as dit. Une carte postale, rien d'autre. Des fois, il était comme ça. Une fois, j'ai été sur sa tombe et ça a été comme chaque fois que j'ai voulu lui raconter quelque chose. C'est sa fille ? Une bonne petite. Elle m'aidait des fois au kiosque après l'école. Avec des ciseaux, elle me découpait les titres des invendus pour qu'on ne me les compte pas. Ilse ! Ne ris pas. C'est ce qu'on exige, tu sais. Une tenue impeccable, mais pas de fantaisie. La chemise blanchée de rigueur et pas de cheveux longs, ça se comprend. En été, quand il fait très chaud, on nous permet de retirer notre veste. Mais pas la cravate. Il faut changer de chemise tous les jours. Défense de remonter ses manches. Ça ne fait pas bonne impression quand on a affaire au client. Il attache beaucoup d'importance à notre tenue, le client. Il faut que je l'aie de sortir d'une bonne famille ou d'appartenir à son milieu. Une banque mise sur la confiance. Ilse ! À partir de lundi, je travaillerai au guichet. Lui, là, il ne l'épousera jamais. Je le lui ai toujours dit à elle. Si la banque apprend que le beau-père est un rouge, ils n'aimeront pas ça à la banque. Comment êtes-vous mort? Aucune idée. Si jeune? Je l'ai tué! Vous ne me connaissez pas non plus? Non. Nous n'avions pas compté qu'il y aurait encore quelqu'un derrière le guichet après la fermeture. J'ai tout avoué. Ils n'ont absolument pas cherché à se défendre. Ça aussi, je l'ai reconnu. Comptaient les billets. Ils n'ont rien compris à ce qui se passait. Dans un an, aujourd'hui, j'aurais eu ma remise de peine. Parce que je me suis bien conduit. Jamais je ne referai une chose pareille. C'est la vérité, j'en suis sûr, absolument sûr. Mais pourquoi ne me croit-on pas? Vous vous appelez Robert Erich, 27 ans. Vous avez été scout et vous avez fréquenté une école de commerce. Tout ça, je le sais. On donne lecture du dossier pendant le procès. Et votre fondé de pouvoir a dit que vous étiez ponctuel et consciencieux. Ça aussi, je l'ai entendu. Et vous êtes fiancé à une infirmière. Mais je vous ai tué. Oui. Par derrière. Oui. Maintenant, vous me voyez? Il ne demande même pas comment je m'appelle. Ici, personne ne me connaît. Petit père! Qu'est-ce qu'il y a? Nous tournons en rond. C'est comme ça qu'il était, ton chevalier aux roses? Comment le nommer autrement? Tu m'as caché son nom. J'ai seulement vu les roses dans ta chambre. 35 roses à longue tige. Pourquoi ne vous saluez-vous pas? Je comprends. Prol, je ne pouvais pas me passer d'un homme. Ni d'un manteau neuf. Vous ne comprenez absolument rien, Prol, parce que vous êtes un bourgeois, Prol, comme tous les autres. Tous voulaient m'avoir pour eux tout seul. Puis-je vous demander quelque chose? Vous avez apporté de si belles roses. Vous connaissez cette jeune femme? Que voulez-vous demander? Mais pourquoi ne lui parlez-vous pas? Nous avons passé des disques. Elle s'est assise sur le tapis. Alors je me suis assis aussi sur le tapis. Je ne sais pas ce que nous avons dit. Nous avons passé des disques. Je voudrais dormir. Je voudrais n'avoir jamais vécu, ne rien savoir de rien, seulement dormir. Catherine, mais tu as vécu. Pourquoi fermes-tu les yeux? Catherine n'est jamais venue chercher ses affaires. Bourgeois. Ce mot-là, c'est de toi qu'elle le tenait. Chaque fois que quelque chose n'allait pas à son gré, elle avait ce mot-là à la bouche. Bourgeois. Tu es le seul à ne pas être bourgeois, le seul. Parce que tu restes des heures à ta machine à taper tes écrits sur la Révolution. Mais qu'est-ce que tu veux me dire? Quand elle a quitté l'appartement sans crier gare, j'ai attendu 10 jours et 10 nuits. Ensuite, j'ai porté ses affaires chez toi. J'ai pensé qu'elle était chez toi. Elle t'admirait. Ta façon de parler de Bakounine. Tu as mis Freud à sa portée et Marcuse. Et tout ce que tu écrivais, tout ça a entraîné son adhésion. J'ai pensé que vous aviez une liaison depuis longtemps déjà. Et je n'avais rien contre l'idée que Catherine habite chez toi. Rien du tout, c'est toi qui lui as mis ça dans la tête. Qu'est-ce que je lui ai mis dans la tête? Que je la voulais à moi seule. Et tu penses que Catherine ne le voyait pas elle-même? Je l'ai vue dans son cercueil. Tu as aimé en elle le mannequin qui devait mettre en valeur ton idée d'émancipation. Quand quelqu'un d'autre que toi a su la convaincre, tu as douté de son intelligence. Tu ne peux pas croire que Catherine pense par elle-même. Mais c'est toi qui disais ça. Xavier, tu es un bourgeois. Je l'ai vue dans son cercueil. Ce rustre n'a-t-il pas de sentiments? Mais que dites-vous? Je dis ce que Hamlet, prince de Danemark, a dit quand le fossoyeur a chanté au bord de la tombe de son Ophélie. Au jour de ma jeunesse où je faisais l'amour, jour que le jeu d'amour me paraissait doux. Oh, vous me gênez. Y a-t-il pour l'âme plus de noblesse à supporter les flèches et les coups de la fortune en fureur, ou bien à s'armer contre un océan de douleur et à y mettre fin par la révolte? Mourir. Ouais. Ah. Mourir, dormir, rêver peut-être. Tis. Oui, mère. Tis. Il m'est revenu quelque chose. Qu'est-ce qui t'est revenu encore? Une fois, tu as dit que tu voudrais manger quelque chose qui n'existe nulle part au monde. Tu n'arrêtais pas de le répéter. Est-ce que c'est quelque chose de sucré, je t'ai demandé? Tu n'as pas pu dire de quoi tu avais si grande envie. Et ensuite, je suis allée avec toi à la pâtisserie. Mais pas celle du coin de la rue, non. Une pâtisserie en ville. Mais là, tu t'es contenté de secouer la tête. Et il y avait pourtant là tant de choses que même ta mère ne connaissait pas. Et oui, et tu as piqué une rage. Parce que la vendeuse et moi avions ri de ton envie de quelque chose qui se mange, qui n'existe même pas. Et pour finir, tu as tapé du pied et pleurniché jusqu'après ton retour à la maison. Je ne me souviens pas. Tu avais 5 ans. Il s'éclipse quand j'arrive. Oui, oui. Pour ça, nous sommes une famille. Oui, mère. Et qu'est-ce que tu veux dire? Tu es satisfaite de ta vie? Oui. Tu voudrais vivre encore une fois? Ah non. Où voudrais-tu aller maintenant? Au bord du ruisseau. Mais ce n'est plus un ruisseau. Tu attends tes parents. Peut-être que tu as traversé la rue en courant pour aller chercher ton ballon. Ils viendront, tes parents, pour te prendre par la main, je le sais. Comment t'appelais-tu? Tu en as un beau ballon? Est-ce que le jeune pasteur t'a questionné aussi? Il interroge tout le monde, il avait pour fonction de consoler les gens avec l'espoir d'une vie après la mort. Il ne peut pas concevoir de ne plus avoir de fonction à remplir ici. Ah, oh, Catherine! Nous nous disons ce que nous nous sommes déjà dit une fois, Xavier. On le découvre lentement. Il n'arrivera plus rien. 10 jours, j'ai attendu. Pourquoi n'as-tu pas donné signe de vie? Le vieux Prol me fait pitié. Est le seul homme qui tienne compte de ta personnalité. Et pour finir, tu l'as séduit aussi. Mais au fond, il te dégoûte. Tu te donnes du mal parce que tu ne peux te passer de quelqu'un qui te tienne pour intelligente et Monsieur Prol se donne du mal. Parce que je le crois, c'est un vieillard. Il est bon parce qu'il est vieux et qu'il a peur d'être seul. Ah, Catherine! Tout ça, tu me l'as dit sur le quai de la gare, quand j'ai chialé. Et ce que tu m'as dit, Xavier, je l'ai remué dans ma tête toute la nuit. Il ne peut pas fermer sa fenêtre! J'ai crié dans la nuit, vous ne pouvez pas fermer la fenêtre! À partir de quand as-tu mis des somnifères de côté? Ça y est, j'ai retrouvé. Mourir, dormir, pas davantage. Et dire que par un sommeil, on met fin aux souffrances du cœur et à tous les maux qui sont notre héritage charnel. C'est là un dénouement que l'on ne saurait souhaiter trop ardemment. Mourir, dormir. Dormir. Rêver, peut-être. Voilà le hic. Car dans ce sommeil, quels songes peuvent nous venir? Je t'ai vu dans ton cercueil. Tu m'as vu. Pendant 1 heure. Tu t'es rappelé comme je riais de tes exposés dans la cuisine quand tu faisais ta vaisselle? Et comme tu m'as giflé une fois, parce que je t'avais giflé? Et comme mon comportement sur le quai de la gare était puéril? Je t'ai parlé, à toi? Je n'ai pas entendu. Ah, Catherine! Tu m'as vu alors? Pendant 1 heure, le nez en albâtre, pincé, les lèvres blanches, qui sourit presque. Et ses mains, qui sont redevenues chastes soudain. Je ne les ai pas embrassées. Merci. Qu'est-ce que tu veux me dire? Nous ne nous blessons plus, Xavier. Nous sommes morts, Xavier. Et il reste que nous avons vécu ensemble, sans jamais nous rencontrer vraiment. Je sais. Je sais, j'aurais dû faire signe plus tôt. J'en avais toujours l'intention. Nous avons été amis autrefois. Tout à coup, il est trop tard. Pourquoi ne nous sommes-nous pas expliqués à fond, une fois pour toutes? Le pilote a retrouvé son enfant. Mathis Proll. Oui. Il n'a pas changé. Tu es là et tu pêches pendant que j'attends que nous nous réconcilions. Nous avons fait de l'aviron dans la même équipe. Tu m'as aidé pour mon diplôme. Quand tu es revenu de ton Espagne, tu as pu habiter chez moi pendant 6 mois. De cela, je t'ai été reconnaissant. Eh ben alors. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai dit ici ou là, Proll est stalinien et restera stalinien. Je n'en ai rien su. Mais ça t'a nui. Tu m'écoutes. Quand a eu lieu cette insurrection en Hongrie? 1956. C'est vieux. Mathis, c'est bien ce que je pense. Tu es devenu directeur? Mais quel rapport? À part ça, je ne sais pas grand-chose de toi. Plus tard, quelqu'un a dit devant moi que tu marchais avec 2 cannes. Pourquoi n'as-tu jamais téléphoné? C'est de l'arthrite. Tu savais tout de même que j'étais en vie et nous habitions dans la même ville. Je ne t'ai plus appelé quand ton téléphone a été surveillé, c'est vrai. Mais tu n'as pas appelé non plus. Pas une seule fois. Tu aurais bien pu appeler d'une cabine. Il faut pourtant que tu me comprennes. J'avais l'impression que tu me méprisais. D'ailleurs, je t'ai écrit une fois plus tard, mais je n'ai pas envoyé la lettre. Une fois aussi, je suis allé à ta petite librairie. Quand? J'étais justement sorti. Tu as trouvé ce qu'il te fallait? Je voulais te prier de m'excuser, Mathis. J'ai songé, deux hommes sensés, deux adultes comme nous, on peut tout de même s'expliquer. Nous avons été amis, jadis. Je te suis indifférent. Xavier m'a apporté des affaires. Ta révolution est commencée? Je ne crois pas. Tu es allé sur les barricades? Non. Mais tu saignes. Ils ont tiré dans la foule. Ça vous dérange si je m'exerce? Et sans exercice, on n'obtient rien. Ah ben, tous les voisins ne sont pas aussi compréhensifs que vous, monsieur le pasteur. C'est un morceau difficile. Puis-je vous demander quelque chose? Oh, je n'ai pas grand talent, monsieur le pasteur, je le sais. À la clinique, je n'ai pas pu faire le moindre exercice. Je comprends. Je suis en convalescence. Je comprends. Donc, ça n'est pas le cancer. Sinon, il ne m'aurait pas laissé rentrer à la maison. Et maintenant, on me permet de m'exercer à nouveau. Croyez-vous en Dieu? Ah ben c'est justement la question que m'a posée un de vos collègues, un catholique. Oui, la clinique est catholique. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ah ben, c'est ce que dit aussi votre collègue. Vous savez, monsieur le pasteur, quand je suis entré à la police, il y avait cette affiche. Pour les hommes jeunes et en bonne santé, un métier viril et sûr. À cette époque-là, ma fiancée trouvait moche de penser à la retraite à 26 ans. Ben, aujourd'hui, on est bien content de la voir, voyez-vous. Et bien content. À mon avis, il faut qu'il existe quelque chose comme ça. Vous savez, je le crois. Il faut de l'ordre. Je suis un simple agent. Alors, l'ordre de tirer, ce n'est pas à moi de le donner, monsieur le pasteur. C'est prévu au règlement. Et puis tout va tellement de travers tout d'un coup qu'on est bien heureux d'avoir des ordres. Mais personne ne le sait, monsieur le pasteur. Si ce sont ceux qui doivent l'être qui sont touchés dans une situation pareille. Ça, il n'y a que Dieu pour le savoir. Voilà mon avis. C'est dommage pour l'homme. Strindberg. C'est dommage pour l'homme. Catherine a parlé de vous. Quand avez-vous pris quelque chose pour la dernière fois? Au lycée, une fois, j'ai dû quitter la classe et rester dans le couloir jusqu'à la fin du cours parce que j'avais demandé si dans le Styx, il y avait aussi des poissons. C'était pour moi une question pertinente, mais comme toute la classe rit aux éclats, le professeur s'est vexé parce qu'il n'en savait rien non plus. Il n'y en a pas. À cette époque-là, à la librairie, quand vous êtes venu vous assurer si Catherine travaillait vraiment là, par exemple, si elle savait ce qui se trouve dans le catalogue à la rubrique anarchisme... Vous en souvenez alors? Vous vouliez me demander quelque chose? Oui. Et quoi donc? Soudain, vous aviez disparu. J'avais le sentiment pour la première fois tout à coup que Catherine éprouvait du dégoût à mon égard. C'est une chose qu'on se rappelle, naturellement. Vous trouviez donc Catherine intelligente? C'est ça que vous auriez aimé demander. Monsieur Prol, avez-vous vécu? Oh oui, des fois. Ici, il n'y a plus d'attente, voilà la différence. Par exemple, quand vous êtes venu dans mon magasin, vous étiez impatient de savoir comment Catherine se comporterait, comment vous-même vous vous comporteriez. Vous attendiez n'importe quoi, mais quelque chose, ce matin-là, quand vous êtes entré dans la boutique. N'importe quoi, mais quelque chose. On n'en démord pas aussi longtemps qu'on vit. Heure après heure, ici, il n'y a plus d'attente, plus de crainte, plus d'avenir. Voilà pourquoi tout vous paraît si vain, au bout du compte, quand c'est fini, une fois pour toutes. Catherine vous a aimé. Le pilote a trouvé son enfant. Alléluia, alléluia. Pourquoi ne regardez-vous pas? Oh, je peux très bien imaginer. Regardez! Comme maman les a filmés. Est-ce qu'ils ne sont pas pleins d'entrain? Voilà le petit qui lance le ballon autour du papa d'attraper. Autour du papa de lancer, autour du petit d'attraper. Ah non, il ne l'attrape pas, mais papa va chercher le ballon et le relance autour du petit d'attraper. Et voilà papa qui applaudit. Maintenant, c'est au tour du petit de relancer le ballon, mais c'est trop bas et papa doit se baisser. Exactement comme ça a une fois été. Kodakou. Qu'est-ce que vous dites? Ils ne jouent pas au ballon, monsieur le pasteur. Ils ont joué au ballon. Et ce qui, une fois, a été ne peut être changé. Et c'est ça, l'éternité. Où veux-tu aller, Jonas? Où? Ici, tu ne feras la connaissance de personne que tu ne connaisses déjà. Bakounine et les autres, quel que soit leur nom, tu ne feras jamais leur connaissance. J'ai fait ce rêve une fois déjà. Une région que je ne connais pas. Exactement comme ça. Et qui est-ce que je rencontre? Catherine Chimansky. Et tu es toute bizarre. Tu sais tout. Mais je n'ai pas peur de toi. Pas du tout. Pour la première fois. En fait, il n'y a rien à dire. Absolument rien. Je te dis que je t'aime. Je ne le dis pas comme ça, mais tu le comprends. Les raisons pour lesquelles je ne voulais pas que tu habites chez moi, pas un mot là-dessus. Nous sommes simplement ici. Et je vois comme tu es contente. Tu dis, Jonas, nous ne pouvons pas nous toucher. Mais tu es d'une tendresse que je ne t'ai jamais connue. Tout était facile. Ça n'est qu'à mon réveil que j'y suis à nouveau. Mais Catherine Chimansky est morte il y a un an. C'est pour ça que tu as dit, Jonas, nous ne pouvons pas nous toucher. Vous avez le temps. C'est comme ça que tu chargeais ton fusil, Carlos. Notre fusil anglais. J'étais là quand tu es tombé novembre 37. Plus tard, j'ai visité votre village une fois. Notre position là-bas, mais on n'en voit plus trace. Ils ont encore une photo de toi, une petite et toute jaunie. Tu crois en Staline? Je t'ai survécu 32 ans, mais tes sœurs m'ont tout de même reconnu. Ton frère plus jeune, celui qui t'a enterré. Beaucoup des vôtres ont été abattus quand ils n'ont plus eu de fusil. D'autres sont morts en prison. Quelques-uns sous la torture. La révolution vient. Une minorité en a conscience, la majorité le confirme par sa peur. La révolution qui viendra nous rendra immortels. Et même si nous ne la vivons pas... Ma mémoire est épuisée. Le rôle de ma vie d'autre le joue à présent. Et lentement, les morts se dégoûtent d'eux-mêmes. Une lumière viendra, différente de celle que nous avons déjà connue, et une naissance hors de la chair. Nous serons différents de ceux que nous étions après notre première naissance, parce que nous avons déjà été. Et nous ne connaîtrons plus la crainte de la mort. Nous serons nés dans l'éternité. Petit père. Je pêche. L'éternité est banale. Avril, encore une fois. Francine, dis quelque chose. Droit devant nous, la façade noire, Renaissance. La grille du parc, je ne l'ai pas oubliée, les pointes de la grille ne sont pas dorées. En revanche, j'aurais parié que ce banc était de fonte et de bois. Et au loin, le feu de signalisation, silence au rouge, grondement au vert. Oui, Francine. C'était ici. Tu n'as pas besoin de me raccompagner, Roger. C'est ce que tu as dit. Par moments, je te hais, Roger. Mais je n'oublierai jamais, Roger, que je t'ai beaucoup aimé. C'est ce que tu as dit. Nous n'aurions jamais dû habiter ensemble. À cette heure-ci, il n'y a pas le moindre train. Qu'est-ce que tu vas faire à la gare à cette heure? Je ne vois vraiment pas pourquoi tu ne viens pas à l'hôtel te reposer, Roger, jusqu'au départ de ton train. Oui, c'est ce que tu as dit. Et j'ai estimé qu'il valait mieux ne pas aller à l'hôtel avec toi, mais à la gare. Et ensuite, nous ne nous sommes plus jamais revus. Ta famille me considère comme ton meurtrier, pour ainsi dire. C'est ce que j'ai appris, indirectement. D'autres ne vont pas si loin. Ils se sont seulement crus obligés de prendre parti. Nos amis. Qui veut plaire à Francine ne peut que me maudire. Il est même arrivé que ça tourne au comique, leur silence, dès que je prononçais ton nom. Ce qu'ils connaissent de notre histoire, je n'en ai jamais rien su. C'est qu'ils ont du tact, la plupart. À cette époque-là, j'ai dû renoncer à quelques-unes de nos relations. Tu aurais, paraît-il, demandé qu'on ne mentionne plus mon nom en ta présence ? Ce matin, peu après mon arrivée, j'ai rencontré Madame Tailleur, ou autre, enfin ton amie, quel que soit son nom. Je ne l'aurais plus reconnue. Un spectre. Qu'est-ce que je peux bien fabriquer à Paris ? Et le regard qu'elle m'a jeté en disant ça ? Comme si j'étais interdit de séjour à Paris pour l'éternité. Mon père... Dans tout ça, je me demande à quoi il a cru pendant 80 ans. Mon père n'était pas un mystique, Dieu sait. Mais il savait toujours l'opinion de la morte, de ma mère. Quand il a vendu la maison, pas de doute, il avait l'approbation de la morte. Elle n'avait pas à savoir qu'il s'était fourvoyé dans une spéculation désastreuse. Elle était compréhensive, toujours du côté de mon père. Une morte accommodante. Et si nous, ses fils, nous n'étions pas d'accord avec lui, c'est à lui qu'elle donnait raison. C'était un ivrogne. Et pas doute non plus qu'elle venait de lire le journal, la morte, le même que lui, naturellement. Les types à cheveux longs qu'elle n'avait jamais connus, elle les avait en horreur, comme lui. Quand il changea d'opinion politique parce qu'elle lui revenait trop chère et qu'il quitta le parti, elle aussi, la morte, l'avait quitté. Aucun doute là-dessus. Je le méprisais. Son commerce avec la morte me répugnait. C'était ce banc. J'en suis sûr, le seul qui soit sous un réverbère. Nous ne voulions pas rester assis dans le noir. Un an plus tard, je me suis marié. Tu n'as jamais vu Anne, je l'ai connue au Texas. Et nous avons un enfant. Peut-être que tu l'as su. Maintenant, le gosse va à l'école. Dis quelque chose, Francine. Parle de toi. Nous avons vraisemblablement fait la même chose l'un et l'autre après notre séparation. Tu t'es donné raison, je me suis donné raison. Le reste est amertume. Ce qui rend le souvenir plus léger que le repentir. Ton histoire avec Roger... Mon histoire avec Francine, peut-être ne se recouvre-t-elle même pas dans l'ordre des grandeurs. Peut-être ne coïncide-t-elle que dans les dates. Si elle arrivait maintenant par cette allée, Anne, elle ne serait pas surprise de me trouver en conversation avec toi. Au début, elle était jalouse parce que je me justifiais toujours devant Francine, souvent pendant des heures. Et à l'entendre, ce n'est pas elle que je contredisais, c'était toi. Ça n'a pas été facile pour Anne. Je l'ai compris plus tard. Même si je n'ai jamais prononcé ton nom, elle sent ta présence naturellement. Anne est photographe. Elle est de 4 ans plus jeune que toi. C'est-à-dire, elle l'a été. Maintenant, elle est un peu plus âgée. Toi. Tout ça est étrange. Une fois d'ailleurs, je t'ai revu. À peu près aussi proche que maintenant. Je ne crois pas m'être trompé. Tu étais sur l'autre escalier roulant. C'était à Berlin. À la station du zoo. Le matin. Est-ce que c'est possible ? Je descendais. Et tu montais, la main appuyée sur la main courante. Seule, tu regardais devant toi, pas précisément gaie, mais pas malheureuse non plus. Tu pensais, Et après, j'ai trouvé que j'avais bien fait de n'avoir pas crié, alors, Francine. Ou bien, est-ce que tu m'as reconnu? Je ne suis jamais allé sur ta tombe. Le bon? Tu as acheté un journal? Oui. Pour avoir de la lecture après notre séparation, quand tu seras seul dans ta chambre à l'hôtel. Pourquoi nous sommes-nous séparés? Le Vietnam. Tu en as connu l'issue avant moi, mais tu n'étais plus là pour la voir. L'histoire t'a donné raison. Et quand je lis aujourd'hui un article sur le Chili, je sais ce que Francine en pense. Ernst Bloch est mort aussi. L'avenir appartient à la peur. Nous partons. Plus tard, j'ai eu une explication. Par d'autres gens. Et ce ne sont pas des choses que les gens inventent. Ça ne peut être né que dans ton cerveau. Que pendant 3 ans, j'aurais fait du chantage au suicide auprès de Francine. Francine, j'ai fait ça? Peut-être as-tu fouillé dans mes tiroirs, je ne sais pas, mais tu n'as pas trouvé de revolver, j'en avais pas. Il aurait suffi d'enjamber le balcon, bien sûr. Mais je n'ai jamais usé de menaces aussi stupides. Je suis allé dans les Dolomites, c'est vrai. Mais sans arrière-pensée de chantage, je crois. Quoi d'autre encore? Une fois, à la fin d'une fête et après avoir bu, je me suis essayé à faire de la varappe le long d'une façade. C'était du chantage, ça? Je trouve ça ignoble, si c'est ce que tu as fait passer pour notre histoire, Francine. 3 années de chantage au suicide. Tu as fumé, comme ça. Et par moments, nous aurons froid. Et plus tard, viendra l'agent qui s'étonnera que nous n'allions pas nous coucher. Je n'ai jamais oublié la façon dont tu lui as dit « Nous attendons le matin, monsieur. » Ni son salut, la main au képi. Et plus tard, quand il n'y aura plus de circulation, nous entendrons la sirène d'une ambulance dans le lointain. Dis quelque chose, Francine. Pendant un certain temps, tu étais morte déjà. J'ai essayé du sentiment de culpabilité. Je t'ai prise comme mon juge pour que tu parles. Mais tu ne m'écoutes pas quand je m'accuse. Tu me regardes comme s'il était exclu que je puisse jamais comprendre. Tu te tais, ou tu te contentes de répéter ce que tu as dit à ce moment-là sur ce banc. Francine, l'année prochaine, j'aurai 50 ans. Toi, tu gardes tes 33 ans. Nous n'aurions jamais dû habiter ensemble. Tu sais ce que j'ai pensé parfois? Francine aime son amour. Ça n'a absolument rien à voir avec l'homme qu'elle rencontre. Francine fait partie des grandes amoureuses. Elle aime son ravissement, sa peur, sa nostalgie, son amertume, sa passion insolente. Et l'homme qui s'attribue ses sentiments, c'est lui qui est le coupable. Francine n'est pas amoureuse d'elle-même, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Elle aime, comme la religieuse portugaise, elle aime son amour. Je vais travailler. C'est ce que tu as dit. Beaucoup travailler. C'est ce que tu as dit. Et j'ai compris que notre séparation était décidée, quels que soient les propos que nous tiendrions cette nuit. Pourquoi? pourquoi n'as-tu pas voulu garder notre enfant? Tu n'as pas eu d'enfant après, à ma connaissance. Et plus tard, j'ai eu ce soupçon, soudain, qu'à Genève, cette fois-là, ils avaient bâclé le travail. Francine, c'est ça? Il est 2 heures, Roger. Et nous avons à peine dormi la nuit dernière, déjà, soyons raisonnables. C'est ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu vas faire à la gare à 7 heures? Je ne vois vraiment pas pourquoi tu ne viens pas à l'hôtel te reposer, Roger, jusqu'au départ de ton train. Qu'est-ce que nous faisons de l'appartement, maintenant? Tu as prononcé la séparation, Roger, la nuit dernière. Pour une fois, tu auras montré plus de courage que moi, et de cela, je te suis reconnaissante. Oui, c'est ce que tu as dit. Quand tu as bu, tu ne te rappelles jamais après ce que tu as dit. Nous avons bu tous les deux. Qu'est-ce que j'ai dit, Francine? Roger, je n'exige rien. C'est ce que tu as dit. Je peux habiter chez Marie-Louise en tout temps. Mais comment peux-tu imaginer que je travaille dans sa mansarde? Roger, tu ne m'as jamais aidé. Tu parles comme un propriétaire, de nation entre vifs. Tu dis par exemple, je te fais cadeau de l'appartement, il nous en coûtera un quart d'heure chez le notaire, et l'appartement est ton bien, les meubles y compris. Oui, oui, je l'ai dit. Tout de suite, tu parles de notaire. Roger, je n'ai qu'une chose à te demander. J'ai respecté ta demande. Je n'ai pas cherché à obtenir ta nouvelle adresse. Tu ne m'as jamais trouvé à sonner à ta porte. Que faire de 6 pièces, moi, toute seule? Comment peux-tu demander ce que je vais faire? Voilà 1 an que je parle de mon doctorat. Tu ne prends pas mon travail au sérieux. Ne te fais pas de soucis pour moi. Tes soucis, je n'en ai pas besoin. Je suis capable de lire un horaire de chemin de fer. Ce qu'il me faut de notre appartement, mes livres, rien d'autre. Surtout mes dictionnaires et mes vêtements. Tu les as fait prendre. S'il y a du courrier pour moi... Je l'ai toujours envoyé à Marie-Louise, comme convenu. Peut-être y avait-il aussi des factures dedans, ça j'en sais rien. Et dans les premiers temps, il y a eu aussi des appels téléphoniques. Mais je n'avais aucun numéro à indiquer. Ne me regarde pas comme un chien de garde. Tu vas partir pour Austin et nous serons contents, toi comme moi, de n'avoir plus de preuves à nous fournir l'un à l'autre. Je suis allé à Austin. C'est mieux si nous ne nous écrivons plus jamais, Roger. Si nous nous le promettons, Roger, pour jamais. Roger, je ne te suis pas indispensable. Qui a repeint tout l'appartement en blanc autrefois pendant ton voyage à Trieste, les 6 pièces, moi toute seule sur l'échelle? Qu'est-ce que j'irai faire à Austin? Quand nous avons cherché l'appartement ensemble, tu voulais un grand appartement, un appartement ancien, haut de plafond, et j'ai approuvé ton idée, oui, dans l'espoir certain que nous ne serions pas un couple ordinaire. Mais Francine et Roger... Oui. Et c'est bien ce que nous sommes. Roger, j'ai froid. Tu veux m'être indispensable et tu prends ça pour de l'amour. Quand tu te sens fort, je te suis un fardeau familier. Quand tu es lâche, tu t'accroches à moi. Et moi, Roger, je ne suis pas là pour ça. Par moments, je te hais, Roger. C'est ce que tu as dit. Nous attendons le matin, monsieur. Ce matin, là-bas, à Orly. Hier encore, je ne savais pas que je prendrais l'avion pour Paris. Et quand j'ai mon billet en main et qu'ils annoncent le vol, je ne me suis pas cherché de motif. Ce n'est qu'à Orly, tu sais, comme ça, sans bagage, quand je me trouve assis dans le taxi. Cet espoir fou, il se pourrait que rien ne se soit passé. Et nous nous rencontrons dans cette allée, toi et moi. D'ailleurs, personne ne sait que je suis à Paris aujourd'hui, à part Madame Tailleur. Qu'est-ce que vous fabriquez à Paris? Voilà ce que je fabrique. Je parle avec une morte. Tu as encore une cigarette? Il arrive que je t'oublie. Je continue de porter la montre que Francine m'a offerte. Mais elle n'évoque plus ton souvenir. Et il y a des lieux où nous avons été ensemble, Strasbourg par exemple. La cathédrale me rappelle d'autres cathédrales. Mais pas Francine. Ça arrive. Et ton corps nu, ça c'est terrible. Dans la rue, dans la cohue, au feu rouge, je vois des cheveux qui sont exactement tes cheveux. Je sais, ça n'est pas possible. Mais je ne traverse pas quand les autres traversent. J'attends. Jusqu'à ce que je t'oublie. Tu as du feu ? Parfois aussi, je rêve de Francine. Chaque fois, tu es différente de la Francine que je connais, la plupart du temps avec des gens que je ne connais pas. Je veux te montrer que si j'étends les bras, je peux voler par-dessus les toits des maisons, ce qui est interdit. Parfois aussi, tu es tendre, Francine, dans mes rêves. Je sais, ça ne m'apporte aucun renseignement sur toi. Rien de tout cela ne m'apporte de nouvelles de toi. Peut-être nous sommes-nous séparés afin de savoir si nous étions capables d'exister aussi, l'un sans l'autre. Et nous en avons bel et bien été capables. Aussi longtemps que tu as vécu. Tu es allé à Hanoï ? Tu es fatiguée, Francine. Roger, je ne tiens plus debout. C'est ce que tu as dit. Est-ce que tu connais ce papier ? Comment ce papier a-t-il bien pu venir dans mon portefeuille ? Aucune idée. Comme un dessin d'enfant. Une grille. Et rien derrière. Est-ce que ça peut être de toi ? Je ne t'ai jamais vu dessiner. Tu as probablement entendu dire que je l'ai rencontrée une fois, ta Marie-Louise. À une soirée. On était debout à un buffet froid, et j'ai vraisemblablement demandé comment Francine allait. Sans ça, je ne me serais pas fait dire cette phrase. Vous n'avez jamais aimé personne, Roger, et vous n'aimerez jamais personne non plus. J'ai supposé que ce jugement venait de toi. Et je suis parti. Est-ce que tu dirais ça encore aujourd'hui ? De ta vie après notre séparation, je ne sais pour ainsi dire rien. Tu es resté à Paris. J'ai tenu ma promesse. Je ne t'ai pas cherché aussi longtemps que tu as vécu. Ce devait être un taxi. Roger, il est 2 heures et nous avons à peine dormi la nuit dernière déjà, soyons raisonnables. 2h30. Est-ce que tu portais ce costume-là ? Quand j'ai entendu parler de ton opération, la première, on ignorait que je connaissais Francine Corré. Et le rapport ne cachait rien. À ce moment-là, je t'ai écrit. Mais sans envoyer la lettre. Je n'ai pas osé, Francine. Et ensuite, 6 mois plus tard, il était question de rayon. Alors j'ai pris l'avion pour Paris. Mais là-bas, à Orly, j'ai su. Une nonne en blanc viendra m'avertir que ma visite est importune. J'ai su que Francine allait mourir. Dis quelque chose, Francine. D'ailleurs, je vis seul, à nouveau. J'ai l'autorisation d'avoir le gosse une fois par mois. et chaque année pendant 15 jours. Et Anne vit avec un autre. Peut-être même est-ce moi qui lui ai rapporté ce qu'on a raconté de moi à Buffet Froid. Tu n'as jamais aimé personne, Roger. Une telle sentence agit comme un signe de Caïn. Je suppose que tu as brûlé mes lettres. Je l'espère. Qu'elles ne soient pas restées chez cette madame tailleur. Les tiennes, Francine, je ne les ai pas brûlées. Mais je ne les ai pas relues non plus. Elles me feraient peur. Je les ai enfermées dans une boîte, tes lettres, Francine. Et j'ai scellé la boîte comme il se doit. Bougie et cire à cacheter. Tu n'étais plus une étudiante quand tu as refusé d'avoir l'enfant. Moi, j'ai eu 40 ans à cette époque-là. Je n'ai pas insisté. Ça, non. Je ne l'ai pas fait. Et pendant notre voyage à Genève, je t'ai posé la question encore deux ou trois fois. Tu n'as pas remarqué que ta détermination m'effrayait. Je n'ai rien laissé voir non plus. Au contraire, j'ai montré une entière compréhension. Peut-être est-ce cette manière masculine de comprendre les choses qui t'a blessé? Nous étions seuls dans le compartiment. Tu as tiré ton manteau sur ton visage. Mais amoureux l'un de l'autre, nous l'avons encore été pendant un certain temps. Ce qui nous séparait depuis longtemps déjà, nous n'en avons pas parlé cette nuit-là. Pas un mot. Jamais. Comme n'importe quel couple. De quoi avons-nous parlé jusqu'à 3 heures? Ça, je l'ai sûrement griffonné moi-même. Ton silence, Francine. J'ai compris ton silence aussi longtemps que tu as vécu. Nous attendons le matin, monsieur. On ne doit pas parler avec les morts. Tu n'as pas besoin de me raccompagner, Roger, je sais. Tout droit, ensuite, à droite sous la grande porte, et puis tout droit, et l'autre porte, et encore tout droit en passant par le pont. Je trouverai le chemin. Quand j'ai appris la nouvelle, un carton imprimé, d'ailleurs, le texte, dans le style de ta famille. Jusqu'à ce jour-là, il aurait tout de même pu arriver que nous nous rencontrions encore une fois. Le hasard. Tu n'as pas cherché à me revoir, je sais, Francine. Et moi, je n'ai pas osé. Mais soudain, l'idée que nous pourrions nous revoir, c'est fini. Mais je t'ai accompagné. Nous avons eu pourtant une bonne période, Roger. Une grande période. Je croyais ceci. Nous deux, toi et moi, nous allons tout repenser, tout. Et il faut que ça existe. Un couple qui se conçoit comme le premier couple, comme l'invention du couple, nous. Et le monde peut se heurter à notre insolence, mais lui ne peut pas nous blesser. C'est que nous avons fait l'expérience de la grâce. Voilà ce que j'ai cru. Et nous savions qu'il ne s'agissait pas de possession, sinon nous nous serions mariés. Un jour au début, tu as dit, il n'existe tout de même rien qui ne se laisse repenser. Et c'était le mot de passe entre nous, Roger. Il fallait seulement ne le faire savoir à personne que nous, Francine et Roger, nous repensions le monde. Et ses morts y compris. Oh. Nos orgies de discussion, Roger. Et j'étais sûre d'une chose. Notre amour va au-delà de nous-mêmes. Nous nous aimons, certes, toi, moi et moi, toi, mais nous ne sommes pas irremplaçables l'un pour l'autre. Ça, tu l'as dit. Mais ce qui est irremplaçable, c'est cela qui nous a conduits l'un vers l'autre. D'autres sont hommes et femmes, d'abord, c'est ce que nous trouvions. Et nous le sommes aussi, bien sûr, mais de surcroît, en récompense, pour ainsi dire. Et tu sais, Roger, notre désespoir à ces moments-là n'était jamais médiocre. Surfait, parfois, mais pas médiocre. Et c'est ainsi que nous avons pu nous dire des choses tout à fait effrayantes. Ce qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus. C'est à cette époque que nous avons pris le grand appartement. Nous avons fait des conneries, Roger, et toi et moi, chacun son tour et ensemble. Mais j'ai cru pendant ce temps-là à ceci. Tu peux repenser chaque chose. Je peux repenser chaque chose. Ah, nous n'étions pas morts, Roger. Ça, non. Pas comme maintenant. Et tu sais, nous étions fiers l'un de l'autre. Ce n'est pas la pitié qui a fait notre rencontre, ni la bonté, ni la prétention à la pitié. Nous nous sentions comme deux êtres à part, marqués d'un signe. Oui, voilà ce que je pense, marqués d'un signe. Toi par moi et moi par toi. Nous n'avons pas déplacé de montagne, tu t'es moqué de moi. Parfois tu as ri de ce que j'attendais. Mais tu sais, Roger, même dans l'erreur, nous étions plus audacieux. Nous n'avons pas abusé de la tendresse pour nous cacher l'un de l'autre, pour nous sécuriser. Oui, Roger, voilà ce qui a été. Durant un temps. Continue. Roger, j'ai froid. Je t'écoute. Quand une mémoire se retrouve soudain seule au monde, ça redonne une histoire. Encore une fois, Francine. Une autre. Mon besoin d'avoir raison n'existe plus depuis que tu es morte. Et soudain, la mémoire libère des choses toutes différentes quand je te vois devant moi. Toi, avec ton front étroit, tes grandes dents. Toi, cheval blond à lunettes. Toi, dont les yeux ont l'éclat de l'eau. D'ailleurs, il n'existe plus, notre appartement. La maison a été démolie. Dernièrement, j'ai eu un entretien avec une jeune personne. Une jeune fille ambitieuse. Elle s'était fait avorter, et il fallait que je le sache, pensait-elle, pour que je n'aille pas imaginer qu'elle n'était pas capable d'observer les délais fixés. Peut-être est-ce sa franchise qui m'a gêné. Elle attachait une grande importance au fait que je la comprenne. Elle disait, parce que je ne sais pas qui est le père. Jusqu'à ce jour-là, l'idée ne m'était jamais venue que ça aurait pu être aussi le cas pour nous. Parfois, tu voudrais me frapper au visage, Roger. Tu ne le fais pas parce que tu sais que tu me verrais cette fois-là pour la dernière fois. C'est ce que tu as dit, Francine. Et puis tu as pris ton sac à main. J'aurais parié qu'il était bleu. Et tu t'es levé. Et nous sommes partis, assez silencieux, droit devant nous, puis à droite sous la grande porte, et tout droit en passant le pont, jusqu'à notre hôtel qui était tout blanc. Est-ce que tu as encore connu ceci ? Soudain, je m'aperçois que c'est complètement faux ce que j'ai toujours dit, ce que j'ai pensé. Soudain, la réalité peut aussi bien avoir été autre. Parfois, ça me réveille, tu comprends, en plein jour. Ces derniers temps, ça m'arrive de plus en plus souvent. Je ne comprends plus mon comportement d'autrefois. Francine, je ne sais pas si tu as encore connu ceci. Sais-tu qu'il n'y a pas une photo qui me rappelle vraiment ton souvenir ? À part une photo d'enfant, la petite Francine, telle que je ne l'ai pas connue, évidemment, avec un gros chien de garde. Dis quelque chose, Francine. Lorsque tu t'es trouvée à Moscou, tu as raconté que Lénine, dans son mausolée, sur le coup, le cœur t'a manqué. Sa tête intelligente, qui depuis 50 ans n'a plus conscience de rien. C'est ça. Nous vivons avec des morts. Et eux ne repensent rien. Mais je me réjouis d'aller cet été en Islande avec le gosse. Je lui ai raconté comment les volcans naissent et s'éteignent, comment les glaciers se forment et fondent. Et maintenant, je dois lui apporter la preuve que ça existe. Il a passé l'âge des contes bleus. Cet été, nous irons en Islande, avec une tente et un sac de couchage. Dis quelque chose, Francine. Tu n'as pas besoin de me raccompagner, Roger. Non, Francine, dis ce que tu n'as pas dit cette fois-là. Ce que tu as pensé après. ce que tu dirais aujourd'hui. Ce qui nous délivre de notre histoire, Francine. Roger, j'ai froid, vraiment. Une fois, il y a des mois, j'ai eu cette idée. Il faut que je me tire une balle dans la tête si je veux entendre Francine à nouveau. Et toi aussi, tu as froid. Dis quelque chose, Francine. Dis quelque chose! Roger, nous avons tout dit. Tout. Vraiment. Je t'ai dit, je vais travailler. Ou j'irai à Hanoï, si c'est possible, comme reporter de l'autre camp. Tu as prononcé la séparation, Roger. Pour une fois, tu auras montré plus de courage que moi, et de cela, je te suis reconnaissante. Nous n'aurions jamais dû habiter ensemble. Comment peux-tu demander ce que je vais faire? Voilà un an que je parle de mon doctorat. Tu ne prends pas mon travail au sérieux. Ne me regarde pas comme un chien de garde. Tu vas partir pour Austin et nous serons contents, toi comme moi, de n'avoir plus de preuves à nous fournir l'un à l'autre. Tu ne m'as jamais aidé. Que faire de 6 pièces, moi toute seule? Roger, je ne te suis pas indispensable. Ne te fais pas de soucis pour moi, tes soucis, je n'en ai pas besoin, je suis capable de lire un horaire de chemin de fer. C'est mieux si nous ne nous écrivons plus jamais, Roger, si nous nous le promettons, Roger, pour jamais. Nous avons eu aussi une bonne période, Roger. Continue. Ce qu'il me faut de notre appartement, mes livres, rien d'autre, surtout mes dictionnaires et mes vêtements. Roger, je n'exige rien. Quand nous avons cherché l'appartement ensemble, tu voulais un grand appartement, un appartement ancien, haut de plafond, et j'ai approuvé ton idée, oui, dans l'espoir certain que nous ne serions pas un couple ordinaire. Tout de suite, tu parles de notaire. Roger, je n'ai qu'une chose à te demander. Ne cherche jamais à obtenir mon adresse, tu me le promets. Je ne veux pas te trouver un jour à sonner à ma porte. Roger, j'ai froid. Tu veux m'être indispensable et tu prends ça pour de l'amour. Quand tu te sens fort, je te suis un fardeau familier. Quand tu es lâche, tu t'accroches à moi. Et moi, Roger, je ne suis pas là pour ça. Parfois, je te hais, Roger, mais je n'oublierai jamais, Roger, que je t'ai beaucoup aimé. Continue. Parfois, je te hais, Roger. Continue. Tu n'as jamais aimé personne. Tu n'en es pas capable, Roger. Et tu n'aimeras jamais personne non plus. Ainsi, c'est ça qui restera. Elle le regarde porter sans hâte le revolver armé à sa tempe, comme s'il était seul. France Culture et la Comédie Française viennent de vous faire entendre Triptyque de Max Frisch, texte français d'Henri Bergerot, d'après la mise en scène de Roger Blin. Les interprètes étaient Denise Jans, François Chaumette, Jacques Toja, Geneviève Casil, Jacques Destoupe, Christine Fersen, Nicolas Silberg, Catherine Salvia, Jean-Paul Moulineau, Georges Audoubert, Guy Michel, France Roussel, André Tinsy, Maurice Garel. Composition sonore, Yoshihisa Taïra. Prise de son, Raymond Anna et Roland Alagnès. Bruitage, Patrick Martinache. Assistante de production, Catherine Lemire. Réalisation, Georges Gravier. C'était Triptyque de Max Frisch dans une mise en scène de Roger Blin, une émission diffusée la première fois le 5 juin 1983 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.